Dimanche matin, de contes, récits et scènes en vers par Gustave Nadeau. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Dimanche matin. À eux, Manuel. Un dimanche matin, Roger était en chasse, avec son chien Minot, bête de noble race. Qui, dit-il, arrêtait la perdrix à 100 pas? Oui, quand il en trouvait, mais il n'en trouvait pas. Donc ce jour-là, portant son fusil en quenouille, il revenait pensif, il revenait bredouille. Il vit tout en marchant que pas un être humain, homme, femme, ni gars, n'était sur le chemin. Un silence de mort planait sur la campagne, ces voix d'enfants qui vont du val à la montagne, et qui, se modulant sur un pli de terrain, apportent à l'oreille un rustique refrain. Se taisait, pas un son, qu'un soupir de colombe, ou le bruissement d'une feuille qui tombe, ou bien un cri de coq solennel et perçant, qui défie au combat quelque rival absent. Des bœufs, sans précepteur, comme des enfants sages, ruminaient librement et part dans les herbages. Notre chasseur eût pu songer avec effroi que la création avait perdu son roi. S'il n'avait été là, causant avec lui-même et cherchant à part soi le mot de ce problème, ce pays, à coup sûr, n'est pas inhabité. Pourquoi les habitants ont-ils tous déserté? Où sont-ils? Vers le gros du village, ils s'avancent. Partout même désert, partout même silence. Les volets sont poussés à toutes les maisons, qui se ferment aux yeux comme autant de prisons. Du château qu'il habite, hésitant, il s'approche. Personne. Où sont-ils donc? Où sont-ils? Une cloche retentit à l'instant dans le beffroi voisin. Est-ce l'heure qui sonne, ou si c'est le tocsin? Non. Un coup, deux et trois, et puis la cloche cesse. Ah, parbleu, dit Roger, ils sont tous à la messe. Gens crédules, qui font ce qu'ont fait leurs aïeux, et feront de leurs fils ce que l'on a fait d'eux. Ô pauvre humanité, combien de temps encore attendrons-nous ce jour qui doit éclore, où les peuples errants et les prêtres divers ne connaîtront qu'un Dieu, maître de l'univers, où les vains préjugés et les vaines croyances tomberont sous le coup du fait et des sciences. Car enfin, que veut-on me faire accroire à moi? Qui n'est plus l'innocence et qui n'est pas la foi? L'amour qui me conçut, me nourrit et m'élève, n'aurait été produit que par le péché d'Ève, doux péché, sans lequel je n'existerais pas. Mais alors les lions et les chiens et les chats et les oiseaux de l'air et les poissons de l'onde ont eu leur Ève aussi, pécheresse et féconde. Le crime le plus vil qui sera dit tout bas vaut mieux que la vertu qu'on ne confesse pas. Quoi? Je devrais mentir à mon intelligence pour croire ce qu'on dit et non ce que je pense. Et ces mystères saints, ces miracles naïfs qui tombaient de là-haut tout exprès pour les Juifs. Le temps en est passé. Non, lisez mieux l'histoire. On nous en montrera quand nous voudrons y croire. Les peuples enfantins veulent être amusés. Prenez garde qu'un jour ils sont désabusés et qu'ils peuvent, grandis, vous demander des comptes, pour les avoir, petits, bercés de vos vieux contes. Quand cédera la peur sa place à la vertu? Règne de la raison, quand commenceras-tu? En raisonnant ainsi, dans sa marche indécise, Roger, sans y penser, s'approchait de l'église. Un nouveau tintement du clocher s'envola. Oui, se dit-il encore, ils sont là. Ils sont tous là, recueillis, attentifs, plongés dans la prière. Ah, que je ne puis-je avoir, comme eux tous, un bréviaire. une formule faite, un symbole de foi, pour prier avec eux, sans me mentir à moi. Car la religion n'est en moi qu'assoupie. Je suis un incrédule et non pas un impie. Et pourtant, à cette heure, où que vous vous trouviez, vous priez, ô ma mère, ô mes sœurs, vous priez. Sans calcul ni raison, vos pieuses pensées, pour vous, pour moi, pour tous, sont au ciel adressées. Ici tout le village, et plus loin la cité, tout hameau, près ou loin, tout endroit habité, toute réunion d'hommes de toute race, maîtres ou serviteurs, par le chaud ou la glace, et par-delà les monts, et par-delà les mers, tout prend part à ce cœur qui chante l'univers. Que dis-je, l'ignorant, l'étranger, l'hérétique, le rouge américain, le jaune asiatique, le chinois qu'on achète et le nègre qu'on vend, tous ont leurs temples ouverts sur le soleil levant, leurs mosquées au grand air, leurs pagodes fleuries, et moi seul, si j'entrais dans l'église où l'on prie. Non, je n'accepte pas un pareil compromis. Que dirait ma raison? Que diraient mes amis? Faudra-t-il avouer que seul contre 100 000, je n'ai pu soutenir une lutte inutile? Eh bien, soit, je dirai s'il le faut, aux railleurs, qu'on peut prier ici, tout aussi bien qu'ailleurs. Fin de dimanche matin, enregistré par Margot.